الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'assit sur le minbar et nous nous assîmes autour de lui. Puis il nous dit: parmi les choses que je crains le plus pour vous après ma mort, c'est que l'accès aux parures et aux beautés de ce bas monde s'ouvre à vous, c'est que cette dunya s'ouvre à vous. Wa an Amr ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أخرجه البخاري ومسلم. Le message d'Allah صلى الله عليه وسلم jura par Allah que ce n'est pas la pauvreté qu'il craint plus pour nous, mais ce qu'il craint plutôt, c'est que s'ouvre pour nous ce monde, cette dunya, comme il a été ouvert à ceux qui nous ont précédés, et qu'on se concurrence pour l'obtenir, comme ils se sont concurrencés pour l'obtenir, et qu'elle cause votre perte comme elle a causé la perte de ceux qui vécurent avant vous. فَالدُّنْيَا وَكُلُّ مَا فِيهَا مَلْعُونَ أَيْ مَذْمُومَ مِمَّا يَشْغَلُ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِأَنَّهَا غَرَّتْ النُّفُوسَ بِزَهْرَتِهَا وَزِينَتِهَا وَلَذَّاتِهَا عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته ولتوحيده. Ce bas monde et tout ce qu'il contient est maudit. Et il sent ce qu'il est détestable parce qu'il distrait du rappel d'Allah. Cette dunya trompe les gens par sa parure. Elle trompe les gens par sa beauté, par ses jouissances et ses délices. Cette dunya détourne de l'adoration et du fait de jouer, de vouer à Allah un culte exclusif. Allah nous a créés pour l'unifier et pour l'adorer. قال النبي صلى الله عليه وسلم محقرا الدنيا وذما لها لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن بمجموع طرقه. D'après سعد بن سعد d'après سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه le messager d'Allah dit: ce monde, s'il avait la valeur de l'aile d'un insecte, s'il avait la valeur de l'aile d'un moustique, Allah n'aurait pas consenti aux mécréants une gorgée d'eau. Il ne leur aurait pas attribué une gorgée d'eau. Walakin, Allah leur a attribué des sources, des rivières. Et c'est ce qui montre à quel point cette dunya n'a aucune importance. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabi al-karim: Ya qawmi innama hadhihi al-hayatu al-dunya mata'. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. Où mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, une jouissance éphémère, alors que l'au-delà est la vraie demeure, la demeure de la stabilité. قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Ils se réjouissent de la vie sur terre, de cette vie présente, mais la vie sur terre n'est que jouissance éphémère en comparaison à celle de l'au-delà. ويقول سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Et la vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu, tandis que la demeure de l'autre monde est assurément la vraie vie, si seulement ils savaient. ويبين الله سبحانه وتعالى أن الدار الآخرة هي الحياة الكاملة الحياة الحقيقية التي يتمتع بها الإنسان. Allah explique en parlant de la vie de l'autre monde qu'elle est certes la vraie vie, la vie parfaite, la vie dans laquelle jouira véritablement l'être humain d'une jouissance totale. وقال سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Sachez que la vie présente n'est que jeu, que cette vie présente n'est que vaine parure, une course à l'orgueil et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. يبين الله سبحانه وتعالى حقيقة الدنيا التي جعلها محل ابتبار لنا. Allah nous explique la vérité de la vie présente, la vérité de ce bas monde. Il a certes créé cette vie à titre d'examen, à titre de test. Il en a fait une épreuve pour nous. De cette vie, il nous éprouve afin de voir nos œuvres. جاء عند الإمام مسلم رحمة الله عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. D'après Abu Sa'id, le messager d'Allah a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, ce bas monde est comme un fruit mûr, une plante verte. Et Allah le Très-Haut vous y a établi, et il va regarder comment vous allez œuvrer dans ce monde. Comment seront, quelles seront vos œuvres. Craignez ce bas monde, ainsi que les femmes. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez tous ramenés. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ومعنى الفتنة هنا الاختبار والامتحان ليتبين بعد الامتحان الصادق من الكاذبين والأبرار من الفجار وَلَخْيَارُ مِنَ الْأَشْرَارِ. Les millions savants, le cher Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit. Le sens de la fitna dans ce verset, c'est l'épreuve, l'examen, le test, celui qui va montrer, déterminer qui sont les véridiques, déterminer qui sont les menteurs, déterminer qui sont les pieux, qui sont les pervers, qui sont les gens de bien, et qui sont les gens de mal. وقال سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, à travers ce qu'Allah t'a attribué comme force, comme subsistance, la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part de cette vie. Utlub fima atakallahu min ad-dunya dar al-akhirah. Et de par ce qui t'a été attribué dans ce bas monde, demande, recherche la demeure dernière. فكل عبد أنعم الله سبحانه وتعالى بنعمة فإن من شكر هذه النعمة أن يستعملها في طاعة الله عز وجل في سبيل الله سبحانه وتعالى et tout serviteur à qui Allah a attribué un bienfait, une bienfaisance de sa part, la meilleure manière par laquelle il peut le remercier pour ce qui lui a été attribué, c'est d'utiliser ce bienfait dans son obéissance, d'utiliser ce bienfait dans son sentier. وقال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie présente. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن أعرض عن ذكري يعني عن ديني فإن له معيشة ضنكا معيشة ضيقة في الحياة الدنيا. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et nous le ressusciterons aveugle le jour de la résurrection, le jour de la résurrection, le jour du rassemblement. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Il dira, Seigneur, pourquoi tu m'as amené aveugle? Pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. Allah lui dira de même que nos signes te sont parvenus de la même manière que tu les as oubliés, aujourd'hui tu es oublié. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. يخبر سبحانه وتعالى أن الذين يعرضوا عن ذكر الله. Les gens qui se sont écartés de nos signes, qui se sont écartés du rappel. ولا يحرصوا على مجالس الذكر. Et les gens qui n'essayent pas d'être assidus, d'être fermes dans les assises où le nom d'Allah est invoqué. Ces gens-là, ils courent à une perdition. فالإسلام هو سبب النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. Et l'islam, c'est une des causes de najah, une cause de réussite, une cause de protection pour l'être humain. والسعادة une cause de bonheur. في الدنيا dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. والإعراض عنه et le fait de s'écarter de l'islam, de s'écarter du rappel. سبب الهلك في الدنيا والآخرة et le fait de s'écarter de l'islam, s'écarter des rappels, c'est une cause de destruction pour la vie de l'être humain, sa vie d'ici-bas comme celle de l'au-delà. فسبحانه وتعالى, il nous a créés dans un seul but, dans le but de l'adorer. Il nous a pas créés dans le but de vouloir rassembler de l'argent, en n'ayant aucun autre but. Le seul but pour lequel il nous a créés, c'est l'adoration. C'est le tawhid, le fait de l'unifier. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم. On lui demande qu'il nous facilite une bonne fin. On lui demande qu'il nous facilite de faire les œuvres qui donnent la bonne fin. ونسأل الله العافية. Et qu'Allah nous protège des œuvres qui font entrer en enfer. Les œuvres qui nous font nous équiper.